Interview 2.0. Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode d'Interview 2.0. Cette semaine, je reçois Jean-Baptiste Rudel, PDG de Criteo. Criteo est un réseau social pour amateurs de cinéma, pouvant vous conseiller des titres ou encore vous suggérer des utilisateurs qui partagent vos goûts. Cependant, Criteo est avant tout un engin prédictif qui permet de lier des utilisateurs, leurs choix, leurs goûts, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et ainsi tenter de prévoir leur comportement. Sur des portails commerciaux, le système fonctionnerait de la même façon, où il comparerait les acheteurs et les choix de produits que ces derniers font sur un site donné. La technologie Criteo lierait ces données ensemble pour vous suggérer d'autres produits. Jean-Baptiste Rudel, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à Interview 2.0. Merci beaucoup de m'interviewer. Dans un premier temps, parlez-nous brièvement de vos projets passés. Alors, mes projets passés, en fait, moi, Criteo, c'est ma seconde entreprise que j'ai créée. J'avais créé une première entreprise en 99. Où on avait lancé le téléchargement de sonneries en France, sonneries sur téléphone mobile, sous une marque qu'on appelait Kiwi, qui est très connue en France, qui est moins connue au Canada, quoi. Et votre projet actuel, Criteo, comment le décririez-vous? Alors, notre projet Criteo, c'est ce qu'on appelle un moteur collaboratif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous ce jargon? Ça veut dire qu'en fait, au lieu, comme les moteurs de recherche classiques, de chercher par mots-clés, on propose aux gens de chercher par l'affinité qu'ils ont avec d'autres utilisateurs. Donc le principe, c'est que on va essayer d'identifier les gens qui vous ressemblent et profiter de leur expérience pour aller plus rapidement vers ce qui est pertinent pour vous, quoi. OK. Donc ça se base sur le comportement des utilisateurs et votre comportement à vous. Voilà, ça se base en fait sur essentiellement l'historique des goûts et des gens, c'est-à-dire qu'en fait on demande sur une catégorie donnée, par exemple le cinéma, on va demander aux gens de noter un certain nombre de films et derrière on va identifier entre guillemets leurs jumeaux, donc les gens qui leur ressemblent, et extrapoler de proche en proche par un modèle mathématique assez sophistiqué ben en fait tous les films qui devraient leur plaire et au contraire ceux qu'il faut surtout qu'ils évitent, quoi. En fait, on a généralisé, systématisé une fonction qui était assez connue sur Amazon, qui était les gens qui ont aimé ça ont aimé ça, ça et ça. On l'a généralisé donc en systématisant pour toute une gamme de produits avec une dimension communautaire. Vous pouvez vous comparer avec les gens, naviguer dans leur profil. Voilà. Alors, quels sont les principaux défis pour mettre en service un service tel que Criteo? Donc le défi le plus important en fait c'est le temps réel, hein, qui est lié à l'internet. Il faut pouvoir calculer de manière extrêmement rapide des recommandations pertinentes, sachant qu'il y a des millions de produits par définition, et que vous avez très peu d'informations sur chaque utilisateur, parce que un utilisateur a pu évaluer 10, 20, 30 produits sur un catalogue qui peut en contenir plusieurs dizaines de milliers, quoi. Donc derrière, il faut avoir une moulinette très sophistiquée pour faire ça, quoi. En ce moment, vous avez combien de titres sur Criteo? Alors, Criteo.com, en fait, c'est un site de démo qui permet aux gens de tester la technologie. Donc essentiellement, en fait, il est en libre service comme ça pour les gens qui peuvent voir comment ça marche. On vend en fait le service en marque blanche aux grands sites web de type soit les grands portails, soit les sites marchands, quoi. Avez-vous actuellement des clients qui sont déjà inscrits chez vous? Alors on a un premier client qu'on a signé la semaine dernière, un très gros client français qui va démarrer début septembre, qui est un des plus gros portails de cinéma. En France et en Europe, qui va utiliser notre technologie, quoi. Puis Criteo Film, le portail au niveau cinématographique que vous gérez, ce volet comporte combien de membres et combien de films à l'intérieur de sa base de données? Alors aujourd'hui, le moteur Criteo, tel que vous pouvez le voir sur le site internet, Il tourne avec à peu près 200 000, un peu moins de 200 000 utilisateurs et qui ont mis 12 ou 13 notes en moyenne, et donc ça fait un peu plus d'un million, 1 300 000 films. Sachant qu'on a un partenariat avec Amazon, donc où on utilise un certain nombre de leurs profils pour justement améliorer les performances du moteur. Donc, la base de données film vous sert de démo finalement pour votre moteur de recherche. Exactement, mais tout l'intérêt, c'est que la technologie permet, en fait, là on l'a fait sur les films, mais d'ici quelques semaines, on va le lancer sur les vidéos en partenariat avec YouTube. Donc sur le site Criteo, vous pourrez. Aujourd'hui, vous avez des millions de vidéos sur YouTube qui sont. C'est très difficile de browser et de trouver ce qui vous plaît. Et grâce à Criteo, ce qu'on espère, c'est que les gens beaucoup plus rapidement vont trouver les vidéos qui leur plaisent, qui sont pertinentes pour eux. Par rapport à l'immensité du catalogue disponible. Ouais. Donc, si je comprends bien, on aura la même possibilité qu'on a avec l'aspect cinématographique de pouvoir créer une communauté et de lier des goûts ensemble. Exactement, exactement. On pourra, en s'appuyant, je dirais, sur l'expérience des autres internautes, très rapidement, je dirais, identifier la bonne information, discuter avec les gens, participer sur toute une gamme de produits, donc vidéo, derrière il y a la musique qu'on va faire, les livres, les jeux vidéo, les blogs, ça peut tout à fait s'appliquer aux blogs. Aujourd'hui, rien que sur la France, vous avez pratiquement 4 millions de blogs, c'est très difficile de trouver les blogs qui vous plaisent par rapport à ceux qui vous plaisent pas. Et donc on a un projet aussi d'appliquer la technologie Criteo pour identifier les blogs qui sont pertinents pour moi et pour les gens qui me ressemblent. Parlez-nous justement un peu de l'aspect communautaire sur Criteo. Le fait de pouvoir lier des profils ou des goûts et de les associer ensemble, c'est probablement au niveau de la base de recherche Criteo l'un des aspects les plus importants. C'est effectivement très important parce que quand vous faites des recommandations aux gens, c'est toujours suspect de dire d'où viennent ces recommandations, est-ce qu'elles ne sont pas commerciales. Donc on a choisi d'avoir une transparence absolue, de dire en fait les recommandations sont faites sur des gens qui vous ressemblent. Et ces gens, non seulement vous pouvez accéder à leur profil, mais vous pouvez dialoguer avec eux, vous pouvez vous comparer, vous pouvez discuter de choses et d'autres. Et donc ça donne, je dirais, une bien meilleure crédibilité après aux recommandations parce que c'est basé sur des vrais gens. En fait, ce qu'on a. On a démultiplié le bon vieux bouche à oreille au niveau d'Internet, de dire au lieu d'avoir juste mon groupe d'amis pour me recommander des produits, eh bien j'ai l'ensemble de la communauté Internet. Quel est votre modèle économique? D'où tirez-vous principalement vos revenus? Donc le site grand public sur Criteo.com est entièrement gratuit. Et en fait, le modèle économique, c'est quand on vend en marque blanche la technologie à des grands sites marchands. Où là effectivement il y a une licence d'utilisation quoi. Dans mon cas, par exemple, je suis un Nord-Américain. Je me retrouve un peu à l'extérieur de l'Europe et des États-Unis. Si je compare, par exemple, au niveau Criteo, la version francophone ou anglophone, si je recherche un titre de film avec un titre de film américain, évidemment, dans la base de données francophone, il sera en anglais. Est-ce qu'il y aura éventuellement moyen, avec la base de données de Criteo, de pouvoir jumeler ces titres francophones et anglophones sur une même fiche? Alors, effectivement, ça c'est un point intéressant qui je comprends tout à fait, est un point important au Canada. Oui, parce que moi, je navigue finalement en anglais pour les films américains et en français pour les films francophones. D'accord. Alors, effectivement, vu de France, en fait, c'est un comportement relativement atypique. Alors, par contre, qui peut être effectivement très courant au Canada, c'est qu'on a supposé dans une première phase, pour simplifier les choses, que il y a les éditeurs francophones, on va dire, qui sont sur le site en français, et les anglophones, essentiellement américains, qui sont sur le site anglophone. Effectivement, il y a des cas particuliers, mais on permet aux gens de naviguer en deux langues et vous conservez en fait le même profil. Par contre, effectivement, on est soit une langue, soit l'autre langue. On n'a pas encore mergé les deux, quoi. L'aspect flux RSS qui nous permettrait de suivre la communauté, est-ce qu'il serait implanté à l'intérieur du moteur de recherche Criteo? Alors, on a beaucoup de demandes effectivement de faire des flux, soit pour avoir poussé toutes les semaines des recommandations de films, soit avoir des alertes quand d'autres gens ont mis des commentaires sur des films qui nous intéressent. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on va mettre en place effectivement d'ici la fin de l'année. Plus tôt, vous nous parliez que Criteo peut s'intégrer à peu près à tout type de recherche. On parlait de YouTube, parlait des blogs. Est-ce qu'à moyen terme, on va pouvoir profiter de la technologie Criteo dans plusieurs domaines? Tout à fait, puisque donc dès la fin du mois d'août, il y aura à la fois le cinéma et les vidéos. Il y a très probablement ensuite va venir la musique. On a beaucoup de demandes dans le domaine de la musique parce que aujourd'hui, ben, quand vous avez 1 million de chansons sur iTunes, personne n'est capable de browser devant une telle richesse de catalogue. Donc vous avez besoin d'un outil pertinent de personnalisé. Et derrière, on va aussi mettre probablement les livres et les jeux vidéo, quoi. Quelle est la valeur ajoutée de Criteo qui le distingue de votre projet des projets semblables existants? Criteo, en fait, est le premier qui a systématisé l'approche. Il y a des gens qui sont capables de vous donner une liste, je dirais, par exemple, de 10 films, de 10 suggestions pour voir des films. Nous, on est capable, de manière systématique, sur un catalogue même qui fait des dizaines de milliers de produits, de vous donner sur chaque film, en l'occurrence, ou chaque item du catalogue, la recommandation. Et surtout d'être capable de l'expliquer, de la justifier, de vous donner les gens qui ont mis des notes similaires et en quoi ces gens vous ressemblent. Est-ce qu'il serait éventuellement possible que les usagers puissent eux-mêmes proposer, dans le cas des films, des titres à la base de données Criteo? Alors c'est déjà le cas, vous avez une fonction alors qui est pour l'instant assez basique d'ajout de film où en fait on formate un email et vous nous envoyez les titres et on les rajoute en général dans les 24 heures. Donc il y a beaucoup de films qui ont été rajoutés par des membres. Dans une version ultérieure, on pourra le rajouter directement en ligne. Bon, ce qui pose des problèmes de modération, donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore mis en place. Mais effectivement, l'idée, c'est d'impliquer au maximum les utilisateurs sur la fabrication du contenu. Vous avez une entente avec Amazon. Est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement ce serait plausible de pouvoir importer son profil IMDb à l'intérieur de Criteo Film? Alors, à moyen terme, pourquoi pas? On n'a pas encore discuté de la question avec IMDb, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. D'autant qu'aujourd'hui, sur IMDb, il y a un système où on a uniquement la moyenne des notes, en fait. Le problème de la moyenne des notes, c'est qu'on se rend compte que bah, très souvent, la moyenne, donc le consensus des cinéphiles, correspond pas forcément à mon goût, quoi. On s'est rendu compte que 2 fois sur 3, en fait, on se trompe quand on se fie à la moyenne des notes. D'où l'importance d'avoir un système personnalisé. Ou est-ce qu'on peut penser l'inverse, que Criteo serait implanté à l'intérieur de la formule IMDb? Tout à fait. Ça, c'est les 2 possibilités. Toute l'interface, en fait, est accessible par des web services qui sont très simples à implémenter. Il y a une API. Comme tout service web 2.0 qui se respecte, on a une API et donc je dirais potentiellement n'importe quel site peut intégrer notre technologie très facilement. En terminant, Jean-Baptiste Trudel, dans un an, Criteo, vous le voyez où? Alors dans 1 an, va développer le développement international, va commencer le développement international. Donc aujourd'hui, en fait, nos principales références clients sont en France. Mais ensuite, les 2 zones évidemment qui pour nous sont les priorités, c'est l'Amérique du Nord, hein, Canada, États-Unis, et l'Angleterre et l'Allemagne en Europe. Jean-Baptiste Trudel, merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. À bientôt. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous désirez plus d'informations à propos de Criteo, rendez-vous sur descary.com, descary.com. Vous y retrouverez le lien pour accéder au site de Criteo. Et de plus, vous y trouverez le billet que j'ai écrit sur Criteo en début de semaine. Merci. Au revoir.